Tu es ma vie, tu es mon âme, toi qui me berce, toi qui m'enflamme. Tu es mon cœur, tu es ma prose, pour toi je meurs, pour toi je me pose. Tu es